Y Annabelle fio da marida, i volendo narlan viei e ielu volpa. Y Annabelle fio da marida, i volendo narlan viei e ielu volpa. Ma più rapa tanto bello vieto, che a quel viei sare le sutra e vussere padrono de tutto ciò che ha. Che a quel viei sare le sutra e vussere padrono de tutto ciò che ha. Io che vuole immariati. E chi vuole duname? È Giovanot. Giovanot è talino. Mamma mia, che me piai pa. Oh, vai, vai, vai, che ti piacere fei. A quel de robo nambarun. Donc, Vétio, bon, et eh bien, venant de. Oula, une introduction d'Aouvi, une autre chanson qui s'appelle. Qui est d'un groupe qui s'appelle Aéro des Primes, et elle est à la rue des Roures. Et le couple, la fille de la chanson, il parle de. Ça dit les vieux pour les vieux, les jeunes pour les jeunes. C'est une chanson des Valades Occitanes. C'était un peu. C'est une chanson qu'au début, en fait, il y avait une jeune fille qui était forcée d'être mariée avec un vieux et elle refuse. Mais tiens, bon, et bien, brave monde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a des mondes autour. Le micro, est-ce pas en face? Il y avait une récalcitrante dans le micro. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on aime parler de. À la fois du. De l'atelier de langue du remue-ménage et de la chorale rebelle. Ben, en tout cas, le trait d'union, c'est le remue-ménage. Belé, on commence par dire quelques mots sur le remue-ménage. En face de moi, il y a quelqu'un qui le connaît bien. Belé. Ouais, salut, c'est Eric. Donc oui, le remue-ménage, ça fait quoi maintenant 16 ans que ça existe? Peut-être 17 même. Voilà, donc remue-ménage dans lequel nous avons pratiqué les langues régionales depuis pas mal de temps, puisque moi j'avais déjà fait l'exposition du Tintin en Arpitan dès 2007, là-bas. Voilà. Et puis l'atelier de langue a démarré, l'atelier Gaga Arpitan a démarré en 2009. Et donc, à Ti, eh ben, y a du monde qui participe. Et ben, ce serait intéressant qu'ils prennent la parole un peu pour Raymond, par exemple. Oui, bonjour, bonsoir. Je participe depuis quelques années au cours de Gaga Arpitan, voilà, au remue-ménage. Et à la fois pour l'Occitan et à la fois pour l'Arpitan, mais t'es un peu plus proche de l'Occitan. Je suis plus proche de l'Occitan, oui. Mais en vivant à Saint-Thièves, c'est plus difficile pour moi, l'Arpitan. Mais à Saint-Thièves, c'est quand même la langue de l'endroit, donc ça fait... Ben oui. Donc on fait avec. Et notre toute nouvelle, qui est arrivée avec Raymond, du coup, un peu. Oui, mais là. Et donc c'est rigolo de parler là d'apprendre le langage local et occitan et arpétan, étant donné que je suis parisienne d'origine, j'habitais dans plusieurs régions, mais on ne m'a pas appris de patois ni de langue locale. Mais tu as vécu à Nice? Oui, j'ai vécu 22 ans à Nice, mais bon, c'est pas... Et du coup, tu avais une petite phrase en nissard l'autre jour. Oui, même baptiste, je suis nissard, tu disais les niçois. Eh ben... Je m'en fous. Je suis nissard, je suis niçois. Voilà. Frambé. Du coup, eh ben, ce que je propose est qu'on fasse un tout petit peu sur l'atelier de langue et après on fait une chanson de la chorale. Après on présente la chorale. Et donc, elle prépara des papiers et il y en a une qui est en arpitan et qui a pour titre « Dire ». Je ne sais pas s'il l'avait. Ouais, mais tiens. Alors... souvent, essayant d'approcher ça le texte pas à pas, à chapeau, comme on disait, et de pas forcément essayer de traduire tout de suite en français, mais plutôt d'essayer de se laisser baigner par la musique en premier, et puis laisser remonter le sens à chapeau. Donc je vais vous lire le premier, puis après les autres qui veulent essayer de le lire essaieront. Et une barbeilla au-dessus d'une feuille. Raymond, te sente. Et un barbeilla au cul d'une faille. D'une feuille, ouais. D'une feuille. Sylvie? Et une barbeilla au cul d'une feuille. Au-dessus d'une feuille. Au-dessus d'une feuille. Et en savoyard, ferait que? Et farait et on barbeilla u cul dont la feuille, u ben dont la faille. Alors il y en a-t-il de monde qui comprennent ce que veut dire? Non. Alors un barbeilla c'est une tique. Et donc c'est pour dire de et la feuille, vous savez ce que est une feuille? Non. Une feuille? C'est une brebis. Et c'est pour dire que quelque chose nous attrape et qui veut pas nous lâcher. Et un barbeilla au-dessus d'une feuille. Et ouais, mais si. Et donc, bon, on fait la suivante. Et quand il va comme une bâtonne chez une caille. Et quand il va comme une bâtonne sur une caille. Prends bien. Raymond. Et quand lui va comme une bétane sur une caille. Une bâtonne. Bachon chez une caille. Sur une caille. Vetia. Sylvie. Il va comme une batella sur une caille. Chez une caille. Une caille. T'as vu que d'essayer. Et ouais, ouais. Et lui va comme on a batna sur une caille. Alors, du coup. Y a-t-il de monde qui ont une idée de ce que veut dire? Quoi il fait la traduction? Tout qui est qu'on a caille. Une caille. Vous savez pas ce qu'est une caille? Non. Raymond, savez ce qu'est une caille? La femme du caillou. Ah, c'est un prot. Donc la femme du caillou. Un cochon. Une cochonne. Voilà. Une truie. Une caille. Truie. Et ça lui va comme une bâtonne. C'est un bas, comme on met sur les ânes. Et ça veut dire quelque chose qui ne te va pas bien, en fait. Par exemple, si on porte mal un vêtement ou une via qui ne nous va pas bien du tout, ça y aurait comme une bachen shenkai. Faire l'âne pour avoir de brun. On va chercher. Ça va. Raymond ? Faire l'âne pour avoir de brun. Ouais. Faire l'âne pour avoir de brun. Ouais. D'autres se voulant essayer ? Faire l'âne pour avoir des brins. Vétia ? Faire l'âne pour avoir des brins. D'accord. Et Sylvie ? Faire l'âne pour avoir de brins. Faire l'âne pour avoir de brins. Vétia, et alors, qu'est-ce que veut dire ? Bah faire l'âne pour avoir du foin. Du brin, c'est du, pour avoir du malin, son. Non, pour avoir du son. Du son, ah, voilà. De brin, ouais. Donc c'est prendre la posture de l'âne pour avoir ce qu'il a, en fait. Oui. Un tsavé se bat pas tout sous, dit un étrave, lui. Raymond ? Luchin. Non, au-dessus. Un chavé se bat pas tout soldien. Une étrable. Un étrable, ouais. Un étrable. On se vaut, se bat pas tout soleil, dit on étrable. Ouais. Les autres. Et là un cheval se bat pas tout seul d'un étrable. Qu'est-ce que veut dire, Requin ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup ? Un cheval se bat pas tout seul dans une étable. Oui, tiens, quand il y a une baston, il y a souvent plusieurs protagonistes. Du coup, Vétia, le remue-ménage nous accueille à faire cet atelier et qu'il y a une bonne via. Et c'est vrai que depuis longtemps, c'est un endroit où on peut faire des choses un peu différentes et on en a faute pour faire ce qu'on fait. Tout seul. Et Vétia, vous voulez dire une via ? Non. T'es cutard. Du coup, juste d'avant de passer un peu à la courroie, vous passez à une tsansou, et qui est une tsansou qui m'a peu inspira pour me mettre à parler en occitan, et pas simplement à être intéressé, en fait. C'est une tsansou de Massilia Sun System, et qui s'appelle Ushito, leçon numéro 1. Et donc, là, on a écouté Ati. Un soir, sous le soleil noir, dans la campagne de Strasbourg, je rencontre une belle Alsacienne au détour d'un carrefour. Je lui dis, mademoiselle, mais qu'est-ce que vous êtes belle? Madame, mademoiselle, voudriez-vous être ma belle? Elle me répond, Pablo Netsotum, Manalanan, Pablo Netsotum, parle pas bête, Pablo Netsotum, Manalanan, Pablo Netsotum. Je lui réponds, mina, Schotzel, tu piches sonnette. Si het jaksot over tournique wild. Spéciale dédicace du Black Sand Poissy de Strasbourg à tout le Massilia et à tout le Tchourmo. Bia! Messieurs, vous sortez vos affaires. Bon. Cahier d'Occitan. Messieurs, vous sortez vos affaires. Cahier d'Occitan. Interrogation surprise. Interrogation surprise. Tournas dire à quelles phrases? Tournas dire à quelles phrases? Tournas dire à quelles phrases? Interrogation. Tournas dire à quelles phrases? Quelle se pour un cahao? Excusez-moi, faire la leçon des ragas. Allez, on fait! Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non. Occitan, leçon numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. Pour se saluer, on dit simplement adieu. Tu, c'est toi, et moi, c'est Yen. Et comment va? Comment ça va? Enfin sous des nascars, je suis fracas. Tu veux fumer un spliff? Vois si tu bats les spinners. Fais le tourner plus vite. Va l'ouvrir à Maillère. Trop tard il est fini. Est-ce déjà à Cava? Va te faire encadrer. Eh ben tu fais une fava. Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, pas de bon point. Non. Occitan, leçon numéro 1. Y'a que les colons qu'on que c'est ici résibé que Zaki. C'est Selecta et DJ c'est DJ. Fais chauffer tout ça. Bye monta la yoli. On est là pour bouger. Ça c'est un peu vous les gars. Venda ça est meilleur. Viens danser avec moi. Vous êtes très jolis. Misère que ça se pourrit. Et merde elle est partie. Eh mon vieux c'est parti là. Où c'est allé son numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, où c'est allé son numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au point. C'est ta première leçon d'Occitan. Non, à gamophile inutile de se mettre en ordre. Ce n'est pas une langue pour les discours gonflants. Et moi aussi, t'es reviens te l'apprendre en ensemble. Pas d'examen, pas de coups sur les doigts. Pour se faire engueuler, il y a beaucoup d'autres endroits. Fais comme moi, réapprends ton patois. Vas-y, cousin, réponds-le autour de toi. On y va! Où c'est allé son numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non. Où c'est allé son numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. Demain c'est le match, la partie des démons. Loup ballon c'est le fou. Et Fabien c'est Fabien. Ultra c'est ultra fanatique, fanatique. Les winners c'est winners. Tu vois c'est très pratique. Des longues cantarelles, sans cesse on va chanter. Des longues cris d'arrêt, sans cesse on va crier. Et quand t'auras marqué, quand ils auront marqué, mi poutou ne jara, tu viendras m'embrasser. Aussi t'allais sur le numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, aussi t'allais sur le numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. Rouge c'est rouge, le blanc c'est loup blanc. Le rose est loup rosé, la lime est la lima. La soif c'est la serre, et la faim c'est la faim. On passe est acheté, et l'artier c'est les francs. C'est où à Payol, je suis fauché. Domile et Belay, envoyez la monnaie. Ma grado des cantas, ça me plaît de chanter. Mais c'est davantage, et Niapou c'est assez. Où c'est allé sur le numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, où c'est allé sur le numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au point. Où c'est allé sur le numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, où c'est allé sur le numéro 1. Numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Ah, la pète. Vecchia, donc tourne bada tout le micro de le monde à ti. Il y a tellement de micros qu'arrivent pas à bouler à tout le bout toi à laver. Il y a une ambiance de ouf ce soir dans le studio. Ouais, qu'a l'air d'être bouliquant là. Donc, pour reprendre l'histoire de la chorale rebelle qui se passe aussi au remue-ménage, qui a commencé en fait, elle prend sa source en 2017. Et elle prend sa source pas dans un endroit fermé. Elle était, on a commencé à chanter en marchant. C'était un moment où il y avait une énergie qui s'était levée pour tracer un petit chemin reliant Saint-Étienne à Lyon en 7 jours. C'était un moment où on se parlait de se déplacer vite et on s'était dit que déplacer doucement, c'était peut-être un peu plus intéressant. Et donc, c'était l'idée de créer le GR45, le chemin de grande randonnée qui relierait Saint-Étienne à Lyon. Et à un moment où il y avait cette histoire de lutte contre une seconde autoroute. Et donc, en marchant, ça chantait un peu en occitan, un peu en arpitan. Et puis... Et il y avait une chanson traditionnelle du Velay qui était chantée en occitan. Et on l'a réécrite tout en marchant. Et ça a donné cette première chanson qui, du coup, après a été chantée dans pas mal de rencontres autour de cette thématique de la disparition de la 45. Et puis voilà, après on s'est retrouvé à un petit groupe, à continuer à chanter dans un local qui a disparu. Et puis après, depuis 4 ans, 5 ans, je pense qu'on est au remue-ménage. Et donc, Vétio, la chanson s'appelle Zanzanette. Hein, et ben, le mieux, c'est qu'on la chante. Hein, à moins que d'autres veulent dire des choses. Ouais, on peut dire sur cette chanson qu'elle a la particularité de mélanger l'occitan et l'arpitan, ce qui est à souligner en fait, parce que souvent on explique que les militants ou les locuteurs des langues régionales sont à cheval sur les frontières linguistiques, c'est complètement faux. Notre pratique montre que voilà, il n'y a pas vraiment de barrière linguistique entre les parlés de l'espace gallo-romain, et on intègre sans problème des locutions d'une langue dans l'autre, et puis ça se passe très bien en fait. Hein. ouais, le fait de se mélanger, c'est une, c'est parce qu'on a envie de se mélanger. C'est pas parce qu'on sait pas le faire. Donc, Vétia, on va commencer à la Tsanta, c'est le mieux. Qui c'est qui? C'est toi. Oula. Zanzanet, sembona lazado. Zanzanet, sembona lazado. À la zande bouz en sous zanzaneto. À la zande bouz en sous zanzaneto. Zanzanet, sembona lazado. Zanzanet, sembona lazado. À la zande bouz en sous. À la zande bouz en sous. Zan zan et zan et tout, la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, la zan des beaux en sous. La zan et tarse sa sabatas. La zan et tarse sa sabatas. Zan de far l'autre sa minou. Zan de far l'autre sa minou. Zan zan et zan et tout, la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, la zan des beaux en sous. Zan et apprompte la maléto. Zan et apprompte la maléto. Et zan don kouboulou. Et zan don kouboulou. Zan zan et zan et tout, la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. Zan et tsara pa ou pensar. Zan et tsara pa ou pensar. Et lo zan dou ta fin tout. Et lo zan dou ta fin tout. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. La zanette clape la clé d'eau. La zanette clape la clé d'eau. Zandou qui yon sabanou. Zandou qui yon sabanou. Zan zanette zanetou. A la zan des beaux en sous. Zan zanette zanetou. A la zan des beaux en sous. Zanette pour bandis la milicio. Zanet pour bandis la milicio. Zan zakounou zalinou. Zan zakounou zalinou. Zan zanet zanetou. A la zan des beaux en sous. Zan zanet zanetou. A la zan des beaux en sous. Zan zanet zanetou. A la zan des beaux en sous. Zan zanet zanetou. A la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. Zan zan et zan et tout, à la zan des beaux en sous. Bon, ben tiens, qu'est commode là, y a pas faute de remettre le bout tout des micros, ils sont déjà en place. Bon, ben refrends bien. Savez pas s'il y a des monde qui voulons prendre la parole sur les envies de chanter, sur l'ambiance. Ben moi, en revenant à Saint-Étienne, je cherchais un endroit pour chanter et j'avais pas envie que ce soit quelque chose de trop académique. Et puis du coup, je suis venue tester cette petite chorale au Remu et en fait, j'ai découvert plein de choses. Donc, je prends plaisir à revenir deux fois par mois le mercredi soir. Oui, on n'a pas dit ça, les horaires. C'est les seconds et quatrièmes mercredis du mois pour l'atelier de langue à 6h30 et pour la chorale à 8h. Mais moi, je ne chante pas. Je ne savais pas s'il y en a qui veulent dire d'autres. Donc. Parle-toi, même. Eh bien, ce qui me fait. Chanter ce chant, c'est déjà original, c'est une langue vraiment ancienne et même très ancienne. Elle vaut vraiment, ça vaut vraiment la chandelle de la faire revivre comme toutes les autres langues et chants anciens. Et puis du coup, ce que je trouve vraiment de très charmant chez elle, c'est que je rencontre des sons que je ne connaissais pas avant, à l'exemple de ce genre de tréma par exemple, enfin des choses comme ça. Et du coup, c'est des sons que je découvre et qui ont une certaine rusticité. Ils sont bruts et comme l'a dit c'est pas du tout académique, donc ils sont ils gardent encore leur pureté, je dirais, et tout ça me fait intéresser, me fait aimer. Et en même temps, en les chantant, on imagine comment la sociabilité de l'ancien temps, où ces gens, les gens de l'ancien temps, comme ils chantaient ensemble, comment ce social-là se vivait. C'est même un exemple pour nos jours et ça nous manque même un petit peu. Et bon, voilà, en résumé. Mmh. C'est vrai qu'on a envie de chanter tout le temps. Après, je pense que je suis pas le seul à chanter. Je sais pas, moi, quand je me promène, quand je fais du vélo, quand tous les jours en travaillant, c'est vrai que si on n'a pas la chanson et qu'on chante pas, je sais pas, c'est triste. Je ne sais pas si je peux vous le proposer, mais il y a quelques temps, j'avais fait une traduction de la chanson des Gilets jaunes en Arpitan Savoyard. Ah bah, prends bien. Il faut me rappeler l'air parce que j'ai complètement oublié. Ça faisait comment déjà? La chanson des Gilets jaunes, c'était... j'ai bouffé l'air. Vous ne vous rappelez pas? Non. On va faire autre chose et puis ça va me revenir. Je sais plus ce que vous voulez dire. Oui, dans l'idée de la chorale rebelle, donc on chante en occitan, en arpitan, en catalan, en basque, comment ça s'appelle, en dialecte des Abruzzes. Tiens. Parfois. Et donc c'est l'idée de chanter dans des langues qui ne sont pas les langues d'empires coloniaux, des langues de nations impérialistes. Et en même temps, on aime bien aussi bricoler les paroles. Ça fait partie aussi d'un truc qu'on fait, parce que bon, se réapproprier une chanson, c'est aussi se dire que les paroles, elles doivent rester vivantes. C'est un peu ça, une chanson traditionnelle. C'est une chanson que les paroles ne sont pas figées dans le temps. Et on a parlé un peu de mélange entre les cultures et les langues, et entre les langues occitanes et herpitanes. Et du coup, je vais vous passer à une autre chanson de Aire des Primes. C'est des musiciens, des chanteurs des vallées occitanes, et qui chantent en herpitan, deux petites chansons, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que eux, ils se battent pour l'occitan, mais leurs voisins au nord, herpitan, sont encore plus en difficulté, et du coup ils ont décidé sur leur album de faire un petit soutien à la langue herpitane. Donc oui, tiens. Thank you. la niebla, amun plagrela. Ja sempre la niebla, amun plagrela. Ja sempre la niebla, amun plagrela. Ja sempre la niebla, amun plagrela. Ja sempre la niebla, amun plagrela. Ja sempre la niebla, anu jeno. Anu jeno, anu jeno, fezende sotana. La sunaliera, ya sempre la permiera, a noi e no, a noi e no, a noi e no, fresende sotano. Nude in vetro, portava il lupiero, nude in vetro, portava il lupiero, nude in vetro, portava il lupiero, nude in vetro, portava il lupiero, a noi e no. Anu jeno, anu jeno, fezende sotano. Jeno te fora, ja sempre l'ora. Jeno te fora, ja sempre l'ora. Jeno te fora, ja sempre l'ora. Jeno te fora, ja sempre l'ora. Anu jeno, anu jeno, anu jeno, fezende sotano. Tia, que nous tourna, tourna, le micro son tourna. Alors, du coup, est-ce tourna l'air de la sans soude? Ouais, il est revenu grâce à Marine, qui m'a rebaillé le. Alors, en français, c'est on est là, et du coup, en savoyard, ça fait nos cinquièmes, nos cinquièmes, même celle mon chou ne vu pas nos cinquièmes. Paix la fierté de l'osovri, brave et on monde mouet pourri, même celle mon chou ne vu pas nos cinquièmes. Prends bien. Mais tiens, on pourra la, l'écrire et puis la, la retenter. Hein, ouais, ouais, ouais. Avec plaisir. Dieu maître qui va. Du coup, on va repasser sur l'atelier de langue, mais c'est, on va écouter une petite tsansou et après on va essayer de faire la lecture du premier couplet. Donc la tsansou s'appelle Paour Trifoulou, c'est une tsansou des Marc Noël qui sont dans un occitan de nord d'Ardèche. Donc la Vétio se lance pas toute sous l'eau. J'ai fait là tout mes loupicots doudois, trifola et des ponts, tapé l'avant trifoulou. Paul des coquers, pas bon et perchougnotte, chantalou, mort sans des perles au monde, volant sans à tout minza. Paure, paure, trifoulou, dès que c'est rafaille, tout pont, paure, paure, trifoulou, qui minza rentre, j'ai fond. Le Seigneur et le Siva, le Tramezo et l'Oubla et Pertourna Somena, Coquigrade et l'Empocha. La Grana Café, les Vabrouillards en Palan, Kévin, la Dubaï, Kévin, l'Oubla, mais Chouno touche au Kévin. Paure, paure, trifoulou, dès que c'est Raphaël, tout pompe, paure, paure, trifoulou, les mines avant où j'ai fond. Gotiora et coca fiapel, viore kenyo papu quand per vendre au morza, faut se talo camion. McDo, un bévin coca veilla. Paure, paure, trifoulou, de que c'est Raphaël, ton pan, paure, paure, trifoulou, que mine sa rente où j'ai fond. La fiasse un faire monta la refara farino sembla et l'ouvis un loup soulet. L'oujabre quand fut à rendre, m'en feront pas des flourets, per faire le jeffon. La fée n'a pas mal amour, pas mal amour, paure, paure, trifoulou. Et que c'est faire mon paure, paure, trifoulou. Comme un vieux ronde, jeffon, paure, paure, trifoulou. Dès que c'est Raphaël et mon pauvre, pauvre, t'es foulou. Comme un vieux rond, j'ai faim. Pauvre, pauvre, t'es foulou. Dès que c'est Raphaël et mon pauvre, pauvre, t'es foulou. Comme un vieux rond, j'ai faim. Donc, Vetia, Coero Pao Trifoulou, Dao Marc Noaille. Donc, Ati, Anna nous essaya à la lecture. Raymond te veille motiva. Père Asiba, tous. Ouais. Enfin. Tous enfants. Tous enfants. Ouais. La tonne et l'eau picodon. Ouais. Picodou. Picodou. Picodou. Dos Daos. Dos, trifola et de pain. Ouais. D'appelave, trifoulou. C'est déjà pas mal. Oui. Ouais, on passe à la parole à d'autres. Ça, que, ça rappelle un peu les apprentissages de la lecture en CP, non? Oui. Pas gentil. Non, qui est pas. Le fait qu'en fait on est obligé de redécouvrir l'écriture et même si la langue on la peut avoir un peu dans l'oreille, la lecture c'est pas si facile que ça. Hein. Ça s'apprend petit à petit. Qui c'est qui s'essaye? Je veux bien. Ouais. Pareis kira pasboun et per sognar ta santat. Glous marsans de perlumund. Volun santar. Sanza. Sanza. Tun minza. Vetia. Donc, per achiva tous efforts. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent ce que veut dire. Achiva, que veut dire dona de Shiva, de l'avoine. Ah. C'est de nourrir tes enfants, en fait. Oui, pour élever. La tome et le picaudou. La tome et le picodon. Tu comprends bien. Doit trifola. Et des pots. De patates et du pain. Ah, les patates, oui. Okay. Oui, c'est les patates. Il y a même une fête de la trifole. Oui, à Crapon sur Arzon. T'appelles là, votre trifoulou. Il t'appelle patatou. Il t'appelait. Il t'appelait patatou. Pareil, ce qu'est repabou. C'est pas bon. Il paraît que c'était pas bon. Oui, il paraît que c'était pas bon. Ta santé. Et perchounia ta santa. Pour soigner ta santé. Ouais, pour prendre soin de ta santé. Le merchant de par le monde. Les marchands de par le monde. Ouais, les entreprises multinationales en fait. Ah, okay. Volon sanza to minza. Ton manger. Betia. Paore paore trifoulou, de que c'est Raphaël Tompo. Paore paore trifoulou, que minza ran tous efforts. Pauvre, trifoulou. De quoi sera fait ton pain? Pain. Mmh. Pour Que mangeront tes enfants? Que mangeront tes enfants? Mais tiens. Ben oui. C'est exactement un coup. Donc, on tourne bascula sur la chorale, parce que le temps en vire. Et waouh. Et on fait Sauvage de filles ou Razik de l'année en premier? Comme tu veux. Mais Sauvage de filles, mais c'est pas yo qui baille l'air. Hein. Ah. L'air, je l'ai. Bon, ben prends bien. Prends bien. Siou. Les paroles, c'est son perdu. Et ouais, il y avait tout plein des papiers, d'un tout doux ordre, mais. Ça retourne à trouver. C'est une chanson qui est traduite de l'anglais en occitan. Et du coup, c'est un peu expérimental, mais que marche pas si mal. You de my man, I feel so bad, like a white discalce, modisant la grave. You de my man, I feel so bad, basarai pas lou cap, ni my basarai la vous. La drôle de my man, cause una sauvage, furgo distoyus per culos et pirus, palazzaras dansant. Par las plumas que davalum per evolu d'un fion et per l'auteur des glossus. Siu de mai mai la fio sauvage la que vai descalço modis en la grave. Siu de mai mai la fio sauvage passarai pas lu cap ni mai basarai la vous. La drôle de mai mar d'un saut d'une blessure. Canto dei paganais à la luz de la lune, gaito las estrellas, numenant las planetas, sumio que lai vai, aube un san esquel. Siu de mai mai la fio sauvage, la que vai descalço, modis en la grave. Siu de mai mai la fio sauvage, basarai pas lu cap, ni mai basarai la vous. La drôle de mai mari est trop et trop forte. La drôle de mai mari, c'est qu'elle a trop de thèmes. Udou la lune et d'où m'espéras. Maya sous la vousse, à qui d'une qu'est sa cansoune. Siou de mai mari, la fille sauvage, la que vaille descalce, maudisse la grave. Siu de mai mai la fio sauvage, passerai pas lu cap, ni mai basarai la vous. Arrosa du zon de l'escuri de l'aigo, adudin le monde, pero son la douloure, au prigun d'un os, ou sans son espélis, ou à douce santé, promène des trous et des brèves. Siu de mai mai las filias sauvages, las que van descalço, modis en la grau. Sem de mai mai las filias sauvages, passarem pas lu cap, ni mai basarem la. Sem de mai mai las filias sauvages, las que vai descalço, modis en la grau. Sem de mai las filias sauvages, passarem pas lu cap. Ni mai basarem la sem de la mai las filio sauvage, que vai descalço, modis en la grave. Sem de la mai las filio sauvage, basarem pas lu cap, ni mai basarem la vous. Prends bien. Eh bien, on... Eh bien, tiens. On enchaîne sur Razik de la Night. Ok. On fait Oussitan Arpitan, Oussitan Arpitan. Ok. Par exemple. C'est-à-dire? C'est une chanson qui existait en Occitan, on l'a passée en Arpitan aussi. Réglage au micro, tout est pronto. Razigo desde la neit, berem ploche tournara. L'enveggio de se levar, Per far valer nostri cammin, rachene de la neit, ver un peu che tournero, la neige de se levar, per far valer nostri cammin. Rasico de la neit, berem pan se tornara, l'enveggio de se leva, per fa valer nostri cammin. Rachene de la neit, berem beche tornara, l'enveille se leva pour faire valer notre ami. Et Vétio. Et Vétio. Et cric et crac. Ouais. L'heure tourne bravement, il va falloir qu'on laisse la place. Et peut-être... le remue-ménage, on s'y retrouve mercredi prochain à 6h30. Et à 8h pour la chorale. Et il y avait aussi un message à passer pour le Remu qui va faire une journée spéciale de soutien le 25, si je ne me trompe pas. C'est samedi prochain. Donc je ne sais pas s'il y a des monde qui a des informations sur cette journée. Moi, je sais juste qu'il faut venir au Remu Ménage. C'est la rue Michelet, le numéro, je ne sais plus. Place de l'Arménie. Voilà, à l'angle de la place d'Arménie. Ouais, et du coup, tu as des informations ou pas? Non. Bon, ben, tiens, il y a toute une journée de soutien et ce lieu a du. Il pareille un peu, il pareille des pierres. Donc, il faut le soutenir pour qu'il puisse continuer. Oui, c'est vrai qu'après 17 ans d'existence, il faut quand même le souligner, ça serait dommage qu'il n'arrive pas jusqu'à la vingtaine au moins. Et c'est sûr. On propose des bons soutiens aussi de 20 euros. Ouais. Voilà. Exactement, ouais. Donc, je ne sais pas comment il faut s'y prendre pour la place. T'envoies une musique. On va retourner à bout à une musique, ils ne m'ont pas donné de consigne. On va en écouter une autre de Marc Noël. Je peux juste... le 25, c'est une mobilisation du Remu dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc à 14h au Remu. Et cric et crac, et zet sabat. Donc, eh bien, un grand merci à tout le monde. Merci. Et puis à une autre co. Donc, à Tsabin, une autre trop des musiques de Marc Noël. La couleur de ton corps. Harvey. Le sable d'eau des gènes, tes failles incarrées. lève ses pelles devant louper une sarane. Faille ma main dans le coulou, le coulou de ton corps. Y'a mon pitoyou mère, d'amour des champs et d'eau. Faille ma main dans le coulou de ton corps. Y'a mon pitoyou mère, d'amour des champs et d'eau.